orientou o Karabük Spor e o Galatasaray, esteve ainda na Udinese e tem um título no Galatasaray, o título de campeão da Turquia. Ora, para esta partida, não pode contar com o bósnio Kolasinac e vai apresentar o guarda-redes espanhol Paulo López. Depois, na defesa também, três unidades: Eric Bailly, Chancel Mbemba e Leonardo Balerdi. À esquerda, o português Nuno Tavares. À direita, Jonathan Klaus. Depois, no meio-campo, Jordan Veretu e Matteo Guendouzi. Para o ataque, Amin Harit, Sengis Undar e Alexis Sanchez. No banco de suplentes está um guarda-redes com um verdadeiro trava-línguas. Vamos lá ver se isto sai bem. Ngapan Dulentu, será assim mais ou menos, se não for peço desculpa. Também guarda-redes blanco, depois jogadores de campo: Gigot, Gerson, Payet, Luís, Javier Soares, Rongier, Guéhi e Caboré. O arte da partida é italiano, David Massa, já o disse, ele tem 41 anos, é bancário, é internacional desde 2014. Ele foi o árbitro no último fim de semana. Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. C'est notre premier numéro pour ce mois d'octobre 2022 et on va avoir donc 2 heures de métal en fusion comme toutes les semaines. D'ailleurs, j'aurai quelques nouveautés bien sûr à vous proposer. Il y en aura 5 ce soir normalement, si tout va bien, si je ne me suis pas trompé dans mon planning. Et on va revenir aussi sur les petites choses qu'il y a eu ces dernières semaines. Vous êtes confortablement installés, vous avez les cotons-tiges. Non, il n'y a pas besoin puisque ce qui va suivre, ça va faire office de, s'il vous reste du cérumen après ça, je ne peux rien pour vous. Eh bien, on va commencer tout de suite, méchant quand même, avec le live d'Anthrax XL sorti cet été. Un live sorti donc pour leur 40e anniversaire quand même déjà. Un live sans public, puisqu'enregistré en pleine pandémie, donc un petit peu curieux de ne pas entendre public entre chaque morceau, surtout que le groupe se démène vraiment comme s'ils étaient dans un festival où il y avait 20 000 personnes qui hurleraient. Ça nous permet d'avoir un bon petit best-of d'Anthrax, plus quelques morceaux qu'on a tendance un petit peu à négliger. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, moi, mon seul regret, c'est qu'il n'y ait aucun morceau de la période John Bush, qui était quand même resté une dizaine d'années et qui avait fait quand même de très bons albums. On pense que, par exemple à Sound of White Noise et à We Have Come For You All. Ouais, donc un petit Only n'aurait pas été de trop. Donc un petit morceau qu'on a tendance un petit peu à oublier, extrait à l'origine de Spreading the Disease, c'est Lone Justice en live. The Devil You Know et Lone Justice, donc deux extraits du live XL. Ça fait quand même bizarre, hein, vraiment de pas entendre public, mais par contre, l'énergie du groupe, elle est là, ça c'est clair. Donc, Anthrax, voilà, c'est ça, c'est sorti fin juillet. Eh bien, on va se faire la première nouveauté de la soirée avec un groupe que vous connaissez si vous êtes de fidèles auditeurs. Il s'agit du deuxième album du groupe Spheres, qui existe depuis 2017, et on a eu un premier album qui s'appelait Yono, qui était sorti en 2019. Et là, le groupe nous sort son deuxième opus, sorti fin septembre, qui s'appelle Helios. Alors, on est toujours un petit peu dans le même style, si vous vous souvenez un petit peu, c'est ce qu'on appelle du métal progressif moderne. On peut penser à Dream Theater, à Symphony X, parfois à Opeth, à Tool, à Devin Townsend aussi, parce que le chant, entre chant clair, growlé, assez schizophrène, on peut penser à plein de choses différentes. Donc il y a des choses très intéressantes sur cet album, comme c'était le cas du précédent, mais ça a encore mûri depuis. Et ben, je vous invite à découvrir tout de suite avec le Spiritual Journey. Starting très intéressant, n'est-ce pas? Donc c'était la première nouveauté de la soirée, le groupe Spheres et leur deuxième album Helio. C'était le morceau Spiritual Journey. Moi je ne mettrais qu'un bémol quand même, parce que c'est quand même de taille, c'est le chant. Non pas que la voix soit désagréable ou manque d'originalité, c'est cette prononciation que je trouve à la limite presque incompréhensible si on n'a pas les paroles. Alors quand on sait que ce sont des groupes qui veulent s'exporter, c'est un petit peu compliqué. C'est dommage, à la limite, c'est carré, il aurait mieux fallu faire ça en français. Enfin voilà, enfin, toujours est-il qu'il y a quand même de très bonnes choses là-dessus et que c'est un groupe, à mon avis, à suivre. Continuons maintenant beaucoup plus rock'n'roll avec Blackstone Cherry. Alors Blackstone Cherry, bah, ils nous ont sorti un petit live là l'été dernier et qui a été enregistré en octobre 2021. Justement, le moment où ils devaient venir nous rendre une petite visite, mais enfin, pandémie oblige, ce concert a été reporté à demain au Trianon. Et oui, normalement, le concert a lieu, parce que si vous êtes comme moi, si vous avez voulu aller voir Saxon dimanche soir, eh ben, on a eu une surprise, puisque apparemment, il y a eu un problème d'inondation dans la salle, et du coup, le concert est reporté à une date ultérieure, on va-t-on dire. Et ben, j'ai regardé sur les sites, là, actuellement, et apparemment, non, le concert de Blackstone Cherry est maintenu, ce qui veut dire que, donc, les réparations ont dû être faites, et que le Trianon est sûr. Donc, on va faire deux petits extraits de ce live from the Royal Albert Hall que vous connaissez, parce qu'on a déjà passé pas mal d'extraits. Et on va se faire aller une petite doublette extraite de l'album Between the Devil and the Deep Blue Sea. Tout d'abord, Blame Me Tant de Boom Boom, un petit classique. Right here. They're calling out my name. I wanna be the one. White Trash Millionaire et Blame It on the Boom Boom, donc deux extraits du CD Blu-ray, Live from the Royal Albert Hall et Hair Hall, sorti donc cet été dernier. Et Blackstone Cherry qui sera en concert donc demain au Théâtre du Trianon à Paris. Passons maintenant à quelque chose de plus brutal, qui est en concert aujourd'hui au Zénith à Paris. En compagnie de Carcass et de Behemoth, c'est Arch Enemy. Arch Enemy qui nous a sorti son dernier album au mois d'août, qui s'appelle Deceivers, et qui est un album sans surprise, mais vraiment du péchu comme on l'aime. Alors on va se faire Sunset Over the Empire. Welcome to the apocalypse, the end of days, ruins of the wasted, rejoice in the flight. Futures fumble, legacies crumble, thousands of years, and what have we learned? There's no warning, take on the signs, we'll love the justice of tyranny, but accountable. Streets of the money, blood rolls, rumble. I just soldier on. Hey ho, qu'est-ce qu'on fait? On écoute Electric Showman, c'est pas terrible. Il est 19h36, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est Electric Shock. Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Soldier On, ça c'est un extrait du dernier album de Megadeth qui, pour l'instant, est la grosse claque de cette rentrée pour Electric Shock. C'était donc un extrait de The Sick, The Dying and The Dead, Soldier On. Juste avant, Arch Enemy, d'extrait du dernier album Deceiverse, sorti au mois d'août, Sunset Over the Empire. On va aller faire un petit tour en Germanie, où on va retrouver les Allemands donc de Vandenplatz, qui après quelques années, on va dire, un petit peu passées dans l'oubli, nous sont revenus avec un CD-DVD vraiment intéressant qui s'appelle Live and Immortal, qui est enregistré en 2016. Et on va se faire un petit extrait avec le fabuleux Postcard to God. Le sublime Postcard to God est donc extrait du CD DVD Live and Immortal du groupe allemand Vandenplatz. De l'Allemagne à la Suède, c'est le miracle de la radio. Sans bouger de son fauteuil, on voyage à travers le temps et l'espace. On va maintenant faire un tour en Suède avec la deuxième nouveauté de la soirée et retrouver les Suédoises de Sondermother et leur dernier album Black and Gold qui est sorti là au mois d'août. Alors Sondermother qu'on a un petit peu étiqueté un petit peu rapidement comme les successeuses, enfin je sais pas si ça se dit, c'est tellement français, le successeur de Crucified Barbara en étant légèrement plus soft. Et bien sur cet album, j'ai trouvé quand même que le groupe s'était quelque peu américanisé et était devenu plus hard FM, enfin... N'exagérons rien non plus. Donc, on va se faire donc un extrait de cet album. Ce sera le morceau Raise Your Hand ce soir qui aura les faveurs d'Electric Shock. Yeah. Thibault en 1988 où Femme Fatale sortait son premier album éponyme, c'était Waiting for the Big One. Femme Fatale d'ailleurs qui existe toujours et qui est maintenant un groupe exclusivement féminin. Autre groupe exclusivement féminin juste avant, mais beaucoup plus actuel, puisque l'album est sorti au mois d'août. Les Suédoises donc de Sonder Mother et Raise Your Hands. Le titre d'album c'est Black and Gold et c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée. Retournons près de Limoges et allons faire un petit tour du côté de le premier album de Desert Duke que je vous ai présenté la semaine dernière avec le morceau Early Time. Can't stop anymore. We're gonna stand strong in every fight, killing any kind of lie. Well, they did move. We say it's stupid, all made. We're marching cities overnight, in the night beneath the lights. No one cares. No, we can't stop anymore. Operations and rich aspect. Avec le morceau Enlightenment, extrait donc de l'album Strange Stars, sorti au printemps dernier. Juste avant, le groupe limougeois, je sais pas comment on dit, Desert Dew, et un extrait de leur album Mirror, c'était Early Time. Là, on va se faire encore une nouveauté avec un groupe cosmopolite, on va dire, et dont j'ai la chance d'avoir un des membres du groupe au téléphone. Il s'agit d'un groupe qui s'appelle Double Négative. Alors c'est vrai que si vous tapez Double Négative sur Google, vous allez voir que des groupes qui ont ce nom-là, il y en a un sacré paquet. Le nôtre, ce qui nous concerne ce soir, est plutôt branché punk rock, mais enfin bon, on va discuter avec Loïc le bassiste à l'instant. J'espère ne pas me planter avec la technique. Allô? Loïc? Yes. Bonjour Loïc, ravi de t'avoir et je vois que je n'ai pas fait de conneries à la technique. Il n'y a pas de problème. Bonjour à toi en tout cas, merci beaucoup pour le temps passé. Donc tu es là pour nous parler donc de ton groupe Double Négative. Tout à fait. Comme je disais, quand j'ai tapé ça sur Google, j'ai été surpris de voir le nombre impressionnant de groupes qui portaient ce nom dans quel que soit le style. Ouais, effectivement, ça a été un nom qui a été pris il y a de ça des années par le chanteur, guitariste et fondateur du groupe de Double Negative. Et puis effectivement, des années ont passé et beaucoup de noms sont apparus sous ce nom-là, alors qu'effectivement, il n'était pas forcément connu. Donc bon, c'est pas facile de nous trouver, effectivement. C'est clair. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire du groupe? Parce que j'ai vu que vous aviez comme une histoire comme assez longue quand même. Vous n'êtes pas ce qu'on appelle des perdreaux de l'année, quoi. Effectivement, on peut dire ça. Alors, l'histoire de Double Negative remonte à 1997. Voilà, donc tu vois, c'est pas on pourrait dire que c'est pas un groupe récent. Il est récent dans ses membres, mais dans son membre fondateur, il n'est pas récent. Dans le fait que Paul Stevenson, qui est l'âme du groupe, lui a tout monté tout seul, pendant plus de 20 ans. Et donc il a fait des démos, il a fait des albums en digital, des choses qui ne sont pas forcément jamais sorties. Et du coup, en 2016, il rencontre, par le biais des joies d'Internet, le batteur, Juan Delange, qui est donc lui sud-africain, et qui gère le label People of Punk Rock au Canada, notamment. Donc, ils se sont liés d'amitié et ils ont commencé à faire des albums tous les deux, en physique, notamment, dont l'album de 2016, qui s'appelle When We're Gone, qui a été monté tous les deux. Et ensuite, ils ont fait en 2018 The Day the Dark One, pour ensuite recruter un autre guitariste en 2020, pour l'album Fracture Paracosme, qui est Andy Constantinou, qui est grec de base, mais que lui habite en Angleterre, pas très loin de chez Paul. Et puis bah moi, avec les joies d'Internet, je suis arrivé en 2021, voilà, du fait que je faisais des covers pendant cette fameuse pandémie que nous connaissons tous. Et en fait, on m'a contacté via Messenger sur le net. Donc c'est Juan, le batteur, qui m'a contacté. Et du coup, bah l'alchimie a pris très rapidement. Ah, c'est étonnant comme parcours, parce que souvent, un groupe, ça commence souvent comme ça, une bande de copains qui écoutent la même musique, qui achètent des instruments à 3 francs 6 sous. Bon, après, il y en a qui partent, d'autres qui arrivent, etc. Mais là-bas, c'est souvent ça. Et là, vous êtes aux quatre coins du monde, en fait, sans spécialement vous connaître, si ce n'est avoir des affinités musicales, quelque part. Tout à fait. En fait, on a énormément d'affinités musicales, et c'est ça qui a fait notre force, entre guillemets, pendant un an et demi. Alors nous sommes toujours ensemble, bien sûr, hein, mais en fait pendant un an et demi, moi j'ai intégré voilà le groupe, et en fait le processus est arrivé pendant un an. On a travaillé pendant un an ce nouvel album qui est Charlotte the Wanderers, et on a fait tout à distance, hein, donc ça a été effectivement un travail très intéressant, constructif et nouveau pour moi également, parce que j'ai dû aussi me familiariser avec les joies de la MAO et puis du travail à distance. Donc ouais, ça a été quelque chose de très constructif en tout cas. Alors justement, comment faites-vous pour composer vu l'éloignement? Et ben en fait, si tu veux, chacun apporte une idée. Un jour tu vas dire, par exemple, j'ai une idée de riff, tu vas l'envoyer aux autres et les autres vont travailler dessus, ou vous êtes tous ensemble en sorte de visio et puis chacun va jammer jusqu'à trouver quelque chose, enfin. Alors en fait, si tu veux, le comment dire, c'est Paul qui ramène les trois quarts des musiques. Généralement, il compose de A à Z le morceau. Et en fait, nous derrière, moi je compose mes lignes de basse. J'ai carte blanche, voilà, sur mes lignes de basse. Et puis après, on me dit aussi à carte blanche sur ses solos ou autres parties de guitare. Mais l'âme du morceau, c'est Paul. Donc il nous envoie une démo, si tu veux, d'un morceau qu'il finalise. Et ensuite, voilà, avec une guitare et une batterie, donc c'est vraiment un squelette, hein, sans chant. Et ensuite, derrière, nous voilà, on compose derrière. C'est quelque chose de très étonnant, mais la magie fait que après on a l'impression qu'on est tous ensemble et qu'on joue tous ensemble. Donc c'est vraiment super. Et pour la petite histoire, Andy, donc le deuxième guitariste, a composé beaucoup aussi pour ce deuxième album. Donc c'est pour ça qu'il y a des côtés peut-être un peu plus techniques que par les précédents albums notamment. Mais voilà, c'est Paul qui ramène souvent la moitié ou trois quarts des morceaux, et puis nous après derrière, on bosse nos instruments pendant quelques heures. Alors justement, dans le même esprit, justement, quand et comment a été enregistré en fait finalement l'album? Alors si tu veux, donc l'album a été donc enregistré à distance, voilà. On a bossé, entre guillemets, on faisait un ou deux morceaux par mois, et souvent on partait de zéro, donc ce qui était du gros taf. Et du coup, moi, quand il m'envoyait les morceaux, moi j'enregistrais mes parties. Et puis derrière, voilà, c'est lui qui a fait tout le mix et le master aussi, notamment, de l'album. Donc il a fait un gros taf. Et puis après, le chant lui-même, hein, pareil, il a fait un gros travail sur ses lignes de voix et cœur. Et puis bah voilà, après, Juan a enregistré ses batteries aussi en Afrique du Sud. Et puis bah, tout derrière, voilà, c'est vraiment le gros travail de mix. Donc c'est très long, c'est très très long. Et puis moi qui ai incorporé le groupe depuis voilà un an et demi, il fallait aussi juxtaposer le son de basse car il n'avait pas forcément l'habitude. Donc voilà, on a travaillé tous en collectif, mais par Messenger. On n'a jamais fait de visio, voilà, on a énormément communiqué, et puis bah, après voilà, on a essayé de faire en sorte que l'album le sonne le plus solide possible, et puis voilà, donc on est très très fiers en tout cas de cet album. Ok. Et, bon, je sais que c'est pas toi qui a écrit les paroles, ce que tu dis. Mais tu sais de quoi parlent vos textes? Ouais, complètement. Alors, en fait, si tu veux, donc l'album, donc s'intitule Shadow of the Wanderers. Donc en français, si on le traduit bêtement, c'est-à-dire dehors les vagabonds. Donc c'est pas forcément très traduisible. C'est plutôt double sens. Ouais. En fait, Paul, pour parler de Paul un peu, parce que c'est une personne très attachante et touchante. En fait, il est autiste. Voilà, il est autiste. Et il est autiste Asperger, donc il a un QI qui est voilà un peu surdimensionné. Et du coup, il est Il a des paroles qui sont très touchantes, pas forcément personnelles, mais il parle du monde en général. Et en fait, si tu veux, le sujet de Charlotte de Wanderers, c'est plutôt les on se fait influencer par le monde actuel. On ne parle pas d'influenceurs, mais partout, en fait, on se fait influencer, que ce soit la pub, la télé, la radio, tout peut nous influencer en bien comme en mal. Et en fait, voilà, il a voulu transcrire un peu tout ça. Et puis avec des histoires aussi un peu personnelles. Donc voilà, tu vois, un exemple, 83 Days, le premier titre qui ouvre l'album, c'est sur une personne sur Hiroshima notamment, une personne qui se fait torturer pendant 83 jours. Voilà, donc il raconte un peu une histoire comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Departure, c'est plutôt un titre où tu vas prendre des somnifères et en fait tu es dans un état second, donc c'est très métaphorique. Et puis du coup voilà, il parle comme s'il voyait la personne en état second. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Tsunami, bon, là, Tsunami ça part de lui-même, hein, c'est sur les catastrophes naturelles et ainsi de suite. Mais en fait les paroles de Paul sont très très très sensées, avec plein de détails en fait. Donc on parle pas du tout de politique, parce que ça nous intéresse pas, même si Paul est très calé dedans, les autres groupes le font, et nous bah voilà, on le fait pas. Donc voilà, on a des paroles qui restent très très ouvertes d'esprit et très sensées, un peu avec un des messages si tu veux, mais voilà, avec une once de positivisme, et c'est pas que du négatif non plus. Non, parce que moi votre musique ça m'inciterait plutôt, c'est plutôt le genre de disque que j'écouterais avec une bande de copains et un pack de bière, quoi. Oh, complètement, et c'est pas péjoratif ce que je dis là. Non, au contraire. C'est complètement ça, quoi. C'est ça, le but, c'est, voilà, on n'est pas, à la recherche du riff parfait, tu vois, et puis, on a fait en sorte que, bah voilà, l'album sonne le mieux possible, et puis, on sait que, voilà, on a tous des influences skatepunk des années 90, qu'on aime ce style-là, et beaucoup de monde, hein, bien sûr, dans ce style-là, et nous, en fait, voilà, c'est, on rend un peu hommage à tout ça avec notre patte et notre identité. Et puis parce que Paul aussi a une voix aussi qui diffère un peu des autres. Et puis, voilà, donc on est très contents. Et effectivement, comme tu le dis, moi je trouve que c'est un album effectivement qui se boit avec une bonne bière bien fraîche et puis des potes, quoi. C'est, voilà, c'est cool, quoi. Je sais que l'éloignement géographique c'est compliqué, mais est-ce que vous avez prévu de faire des concerts? Alors, j'aimerais, mais hélas non. Ça a été prévu quand j'ai démarré le projet aussi avec les gars. C'était prévu du fait de la santé, hein, de Paul, voilà, comme je te disais. Donc hélas, non, ce n'est pas prévu. Il faut jamais dire jamais. Mais non, on savait que le deal, c'était de faire des albums, de faire plaisir à la communauté punk rock skate punk. Et puis voilà, quoi. Donc ça laisse du temps libre pour d'autres choses. Mais en tout cas. Non, c'est hélas pas prévu, malgré qu'il y a beaucoup de demandes qu'on reçoit pour jouer à droite à gauche. Et cet album, comment peut-on se le procurer? Alors cet album, on peut se le procurer sur le site du label People of Punk Rock, qui est donc basé au Canada, voilà, où en fait on vend le CD, donc c'est un digipack et un t-shirt, voilà. Et puis bien sûr, on peut l'avoir sur les côtés streaming également. Et je sais qu'on a une page Bandcamp sur le label, et on peut l'acheter aussi via la page du Bandcamp du label. Donc voilà. Et il n'est hélas pour l'instant pas distribué en Europe parce que la succursale est basée au Canada. Mais bon, on y travaille. Donc on espère qu'un jour il y aura des CD qui viendront en Europe en tout cas. Donc j'imagine aussi que dans tout le groupe, vous avez tous d'autres projets musicaux de chacun de votre côté, j'imagine. Ouais, effectivement. Alors on est toujours un peu donc on discute énormément, et puis donc Paul, lui, toujours très très attractif, j'allais dire, avec son cerveau. Donc tu vois, il travaille sur des projets à droite à gauche. En fait, Paul, Andy et puis Rohan ont un projet à côté qui s'appelle Setbacks. Voilà, ils ont un groupe qui est dans la même veine, que Double Negative, sauf que Paul ne chante pas, c'est un autre chanteur, voilà, qui s'appelle Aaron Goulding, qui était le chanteur de Pride Ball à l'époque, dans les années 90, qui est très très très connu. Et du coup, voilà, ils sont en train de composer pour un nouvel album aussi, qui normalement devrait sortir en 2023. Donc voilà, moi je suis en train de travailler avec Paul aussi sur un autre projet, un un peu plus soft, voilà, donc à voir aussi. Et puis Juan avec lui est très très occupé avec le label forcément, mais aussi un autre projet un peu pop punk, donc voilà, on est tous un peu encore à travailler différemment, mais voilà, on n'oublie pas les choses qui peuvent arriver sur Double Negative. Voilà, on travaille aussi sur des choses plus tard. Voilà, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Et comment tu décrirais Double Negative à quelqu'un qui ne connaît pas, si tu voudrais le convaincre d'écouter ou d'acheter ton disque? Et ben en fait, si je devais convaincre d'acheter ou d'écouter Double Negative, je dis, ben écoute, si tu aimes le skate punk des années 90, avec des influences à la No Use For A Name, Propagandhi, Strung Out et bien sûr NoFX, et ben écoute, cet album, il sera dans ta platine et puis tu pourras le faire tourner en boucle. Voilà, bah juste avant de nous quitter, est-ce que tu as quelques mots pour nos auditeurs? Eh bien écoute, en tout cas merci d'accorder du temps et pour Double Negative et pour le style pratiqué, hein, qui pour moi est un style voilà qui existe toujours depuis de nombreuses années. On parle beaucoup de rock, de métal, mais ce style-là est très présent. Donc allez soutenir cette scène qui est formidable. Et puis voilà, écoutez l'album si vous avez envie, que ce soit en stream ou l'acheter bien sûr sur le site. Et puis en tout cas encore merci beaucoup pour ton temps passé avec moi et de parler de Double Negative. Eh ben je t'en prie, hein, c'est mon boulot justement de faire connaître des choses aux auditeurs. Moi je suis toujours ravi de découvrir quelque chose. Alors quand je peux faire partager aux gens, moi c'est encore mieux. Encore mieux. Justement, quel morceau on pourrait passer là pour que les auditeurs puissent se faire vraiment une idée proprement dite de Château de Rodeur? Eh ben il y a pas de souci et on peut passer un des singles qu'on a sorti en mai. Tu peux passer Negative Nature, où on retrouve un guest notamment qui Daniel Edquist du groupe Passage 4, qui est un groupe suédois punk rock. Donc je trouve qu'il a fait un travail formidable et ce titre est correspond un peu à l'album notamment. Ok, eh ben écoutez, on va se mettre Negative Nature. Ben merci à toi. Merci beaucoup. J'espère que j'aurai donné envie aux auditeurs de découvrir de façon un peu plus approfondie ton groupe. Et en attendant, on va se mettre donc le morceau Negative Nature. Merci beaucoup. Merci à toi, Louis. Salut. Bonjour. sympa, n'est-ce pas, ce genre de punk. On se dit, ouais, on a mille fois entendu, mais c'est toujours aussi bon à écouter. Bah, j'espère que ce petit entretien avec le sympathique Loïc, ça vous a donné envie de découvrir davantage Double Negative. Là, on a eu donc Negative Nature, extrait donc de l'album Shut Out the Wanderers. Et bah, croyez-moi, dans les semaines qui vont suivre, on va en repasser, ça c'est clair. Eh bien, on continue toujours encore avec une nouveauté. On va changer là complètement de style. On va faire un bond en arrière. On va se retrouver vraiment à la fin des années 60 avec le groupe de rock psychédélique Birth, dont c'est donc le premier album qui est sorti cet été, qui s'appelle Born. Alors, Birth est composé de membres du groupe Astra et de, entre autres, de Radio Moscow. Donc, des gens qui ont... Alors, si vous aimez toute cette scène un peu psyché, la fin, le genre de groupe qu'on aurait pu jouer à Woodstock. Alors, on va se faire un morceau... planant, assez long, qui dure 9 minutes, il s'appelle For Yesterday, mais on voit pas le temps passer, et c'est vraiment excellent. Si je vous aurais dit, ce truc-là était sorti en 69, on vient de le découvrir, on vient d'exhumer ça, il n'y a pas de problème, ça peut passer. Sympa tout ça, c'est vrai que ça s'enflure. Bon, le retour à 1969. Et pourtant, c'est sorti cet été. C'est le groupe Birth, extrait du premier album Born, et c'était For Yesterday. Et il est 20h30 tout rond sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. On attaque la dernière demi-heure d'Electric Shock. Et on va revenir au premier live de la chanteuse-guitariste Orianti. Orianti qui s'est fait connaître, entre autres, pour avoir joué avec Alice Cooper, Prince, entre autres. Elle aurait dû être la guitariste de Michael Jackson sur sa tournée 2008. Et aussi avec le groupe RSO, avec son compagnon qui est Richie Sambora. Enfin, en attendant de sortir un nouvel album solo là en octobre. Mais toujours est-il que cet été, nous a sorti un CD-DVD live intitulé tout simplement Live from Hollywood, enregistré dans un petit club. Et tout de suite, Think Like a Man. Off my, I think a third record I released, Heaven in the South. and it's cool. You don't want to know it. And I'm going to bring out one of my best friends, from an amazing guitar player, Carmen Vandenberg. Amazing. She just flew in from Europe, by the way. So just came in here. She's insane, amazing guitar player, and she played on my new album. Can't wait for you guys to hear the track we do together. So we're going to play this swampy ass track for you guys right now. So. Baby, better trust me, baby. Leonti avec donc deux extraits de son CD DVD Live from Hollywood, You Don't Wanna Know et Think Like a Man, juste avant. Eh bien, c'est le moment de la cinquième et dernière nouveauté de la semaine, avec dans la série Faisons du neuf avec du vieux, je voudrais Motorhead. Alors, depuis 2019, on a l'habitude de revoir maintenant pour les 40 ans des albums mythiques de Motorhead, des ressorties. On a eu Overkill, Bomber, Ace of Spades, No Sleep Till Hammersmith, où il y avait un superbe coffret avec l'intégralité donc des concerts qui avaient été choisis pour ce live mythique. Et là, cette année, là, l'album qui s'y colle, c'est Iron Fist, le dernier de la période dite classique, le dernier avec Eddie Clarke et Phil Taylor. Alors, si vous le voulez en vinyle, ce sera un quadruple vinyle. Sinon, c'est un double CD, donc qui contient le CD remasterisé. Vous avez aussi les démos, toutes les démos du dit album. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que les démos, on peut y entendre des arrangements différents, des paroles pas tout à fait identiques non plus, des choses comme ça. Et le deuxième CD aussi est un live inédit. Enfin, inédit, si vous êtes fan de Motorhead, vous devez connaître ce concert. C'est le concert de Glasgow 82, qui existe en bootleg depuis déjà de nombreuses années, et qui est un concert vraiment fabuleux. Pour ce soir, on va se faire une démo de l'album avec un morceau qui s'appelle Lemmy's Goes to the Pub, en fait, qui est une des premières moutures du morceau Heart of Stone, Motorhead Forever. Bon, vous avez reconnu Motorhead sans problème. C'était Same Old Song I'm Gone. Ça, c'était donc la démo du morceau Remember I'm Gone, qui à l'origine était la face B donc du single Iron Fist, qui donc était le nom de l'album sorti en 82. Juste avant, autre démo aussi, qui s'intitulait à l'origine Lemmy's Goes to the Pub, et c'était donc la première mouture donc de le morceau Heart of Stone. Et tout ça, vous pouvez, ces démos là vous pouvez les trouver sur la réédition de Iron Fist pour les 40 ans de la sortie de cet album mythique. Et c'était donc la dernière nouveauté de la semaine. Allons faire un petit tour en Norvège maintenant, allons retrouver le groupe Tonic Breed et son EP Fuel the Fire, qu'on a passé déjà il y a quelques semaines, mélange de heavy thrash. On va se faire le morceau qui a donné son titre au EP. Et il y a du beau monde dessus, puisque figure Bertie Hansen à la basse de Vigvam, un groupe de glam bien connu là-haut. Et surtout Dirk Verbeuren, qui n'est autre que le... j'espère que je prononce bien. Dirk Verbeuren, pardon, qui est n'est autre que le batteur de Megadeth. Maintenant... Less is not more. Less is Defector, c'était Def Angel et leur album Humanicide, qui est leur dernier sorti en 2019. Et juste avant, Tonic Breed avec le EP Fuel the Fire, sorti cet été, c'était Fuel the Fire. Allez, on se fait un petit dernier morceau. Ouais, on va terminer plus blues avec l'album solo de Simon McBride, qui est le nouveau guitariste de Deep Purple. Son album The Fighter est sorti au mois de mai, bien avant qu'il sache qu'il ferait partie de la troupe. On va se faire le morceau 100 Days, et après on se dira au revoir. Justify me, I work when the devil needs pleasing. No rules, no mission, no message. Don't try to talk me down. I did everything I wanted, and these walls are holding me now. Don't wanna die, never knowing if I'm forgiven. But I get what's coming, and there ain't no coming back for me. 100 days, 100 days. I just know it won't be that long. 100 days, 100 days. Well, I just know it won't be that long. There ain't no one to save me, so I'm stuck right here, right now. I'm so sick and tired of waiting. And when I'm 6 feet under, there'll still be talk about me. These chains, these locks, these keys, they never do the ground, but they set my soul free. Don't wanna die, never knowing if I'm forgiven. But I get what's coming, and there ain't no coming back for me. 100 days, 100 days. I just know it won't be that long. 100 days, 100 days. They have come to burn my bones to ashes. Burn my bones to ashes. Burn my bones to ashes. 100 Days, voilà, c'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Eh bien, j'espère vous retrouver la semaine prochaine, où j'aurai bien sûr d'autres nouveautés à vous proposer. Et puis, on aura aussi, je pense, normalement, une autre petite interview par téléphone. Enfin bon, à suivre. Bref, si vous voulez en savoir plus pour tout ça, eh bien, soyez branchés sur Electric Shock mardi prochain, à partir de 19h. D'ici là, écoutez plein de métal, bien sûr, Radio Arc-en-Ciel aussi, et... Portez-vous bien. Ciao a tous. E com o olho de lince, Paulo Vidal, logo no início, um lance estudado pelo Porto, mal a bola rolou. É uma...